Section 87 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 16, 5e partie. L'Empire mongol après Gengis Khan, par Léon Kaoun. Les héritiers de Gengis Khan. Faites bien attention aux paroles du petit Kubilai. Elles sont pleines de sagesse, disait l'empereur sur la fin de sa vie. Ce petit Kubilai était le fils de Toulouï, Lot Jigin. Il était entendu que le domaine héréditaire, Deligun Buldak, les lieux saints près de l'Orcon, la montagne où la biche de lumière avait conçu, et la ville de Karakorum lui reviendraient. Mais les Aquais, comment les partagerait-on? Et l'Empire. Cet empire fondé à cheval qu'on ne pouvait pas gouverner à cheval. Qui aurait la main assez ferme pour le régir? Pour la première fois, ses vainqueurs, qui ne doutaient de rien, hésitèrent. L'empereur inflexible n'était plus là. Qui devait-il choisir pour Khan, pouvoir du ciel sur la terre? Après sa mort, le Tchingiz leur sembla tellement grand que personne n'osa prendre sa succession. Ils s'inspirèrent de son esprit et réglèrent les choses conformément au Yasak. Lot Jigin, Toulouï, gardant les foyers sur l'Orcon et sur l'Onon, gouverna directement les peuples héréditaires, Mongols et Kéraïtes. Sur les autres, il régna par intérim, comme un régent préposé à la garde du pacte national. Il eut les sceaux, les ministres de son père, mais il ne fut jamais proclamé. Le fils de Juji, Batu, qu'ils appelèrent plus tard Saïn Khan, le bon sire, le débonnaire, était là-bas dans l'ouest, menant volontiers la vie nomade entre son quartier général de Saraï sur le Volga, ses belles prairies du Kouban, au nord du Caucase. Par la Crimée, ses bons amis de Venise lui envoyaient les belles choses de l'Ouest, les bijoux de Constantinople, les tentures d'Italie, les draps du pays des Francs. Par la route du Nord, ses sujets, Bulgares, Kirghizes, lui apportaient les précieuses pelleteries et les merveilles de Chine et les gerfaux du pays Niouchi. Par le Caucase, ses sujets arméniens lui vendaient les richesses de Bagdad. Il gouvernait assez péniblement ses Kipchaks, Kirghizes, Bulgares, Bashkirs, Russes et autres ralliés, guerroyant contre les insoumis, sans se presser, mollement. Il n'avait pas d'ordre du Khan, il n'y avait même pas de Khan. Ne recevant pas de consignes, le débonnaire ménageait ses peuples et se laissait vivre. Jagatai avait reçu l'investiture de Transoxiane et de Khorasan, du vivant de son père. Il s'était installé à côté du pays, dans les pommerais d'Al-Malik, et gouvernait de loin, mais avec une singulière fermeté. C'était Massoud Beg, le fils de Mahmoud Yelvaj, qui eut d'abord sa procuration, homme d'une extrême rigueur, rallié de la première heure, faisant du zèle mongol, du nationalisme à outrance, ne jurant que par le Yasak. L'Iranien Condémir nous dit « Comme le Tchingis Khan avait confié à la responsabilité de Jagatai le soin de faire observer les règles de son Yassa de mauvais augure et de son Toura blâmable, ce prince montrait un zèle excessif. Des exigences qui étaient complètement opposées à la loi divine et à la raison émanaient de lui. » On voit clairement commencer la lutte entre la conception mongole d'un État laïque basé sur le nationalisme est l'idée musulmane d'un État fondé sur la religion, sans distinction de nationalité. Avec le grand Timur, pourtant si turc d'esprit et de cœur, l'État fondé sur la religion, c'est-à-dire sur le shériat, la loi musulmane, l'emportera. De la forte administration de Jagatai, l'idée nationale se dégagea si vigoureusement qu'elle s'est conservée sous la forme la plus durable, celle du langage. Le dialecte turc écrit et parlé actuellement dans les pays gouvernés par Jagatai au XIIIe siècle s'appelle de son nom Jagatai Turkizi, turc de Jagatai. Si le Tchingis Khan fut le père d'un peuple, son fils, Jagatai, fut le parrain d'une langue. En 1229, ce grand empire se lassait d'attendre. Il fallait un empereur. Le conseil de Toulouï, dirigé par Ye Lu Chusai, supposa un testament du Tchingis Khan, des instructions verbales qui désignaient l'insignifiant Ogedai. C'était une cote mal taillée, le provisoire en attendant mieux. Mais en nommant Ogedai, on créait un précédent. L'action de Ye Lu Chusai et du parti chinois est visible dans l'élection de 1229. Ogedai est leur homme. C'est en Chine qu'ils conduisirent d'abord l'empereur, puis, après que Toulouï fut mort, octobre 1232, ils séquestrèrent le khan Ogedai à Karakorum, lui firent sceller tout ce qu'il voulait, laissant l'ivrognerie faire son œuvre. Ogedai, suffisamment alcoolisé, mourut le 11 mars 1241. En réalité, Ye Lu Chusai avait gouverné, préparé le terrain pour écarter tous les obstacles devant la lignée de Lojidin Toulouï. Au Kurultai, assemblée générale, on avait décidé que la succession impériale resterait fixée dans la maison d'Ogedai, premier khan élu après le Tchingis Khan. Le parti chinois avait faim d'accepter. Sous main, il tenait en réserve ce petit Kubilai, dont le Tchingis Khan avait vanté les sages paroles. Pour éviter toute rivalité de branche aînée, on envoya Batou dans l'ouest faire des conquêtes. Par la même occasion, le parti chinois se débarrassait des enfants d'Ogedai, prétendants légitimes, et de ceux de Jagatai, prétendants éventuels, auxquels l'honneur et le droit coutumier commandaient d'aller se battre le plus loin possible. Caractère de l'administration mongole. Quand les Mongols achevèrent de conquérir la Chine entière, celle des Song après celle des Qin, ils étaient déjà conquis par elle. Dès 1230, on voit l'esprit chinois et celui des Ouïghours, chinoisés depuis longtemps, dans le formidable appareil fiscal, dans la bureaucratie et dans la paperasserie mongole. Taxes mobilières par maison sur les sédentaires. Centièmes par tête de bétail pour les nomades. Droit du 30e sur l'argent, sur la soie, sur les grains. Droit du 10e sur le vin, droit de douane. Dans Giragos, on trouve à chaque page les preuves de la tracasserie fiscale et administrative qui rendit les Mongols insupportables. Les tirades ampoulées des Persans donnent une idée absolument fausse de leur conquête et de leur gouvernement. Sans doute, les armées mongoles ont brûlé, pillés, massacrés, ni plus ni moins que d'autres armées conquérantes. En réalité, ce qui a été odieux, c'est le daroga, le préfet mongol. C'est le baskak, le fouleur, comme l'appelaient les Russes. Le fiscal chinois et ouïghour. Ce qui a été intolérable, c'est la vexation méticuleuse, avide et bête du fonctionnaire civil. La morgue du militaire et la brutalité des sous-ordres. D'autre part, il est curieux qu'un homme d'un sens aussi juste que Plancarpin se soit mépris sur la valeur des deux mesures prises par les Mongols et fort admiré par leurs sujets chinois et iraniens. C'est la création de greniers de réserve et la faculté pour les manouvriers de payer l'impôt sous forme de corvée. Plancarpin parle des transportations d'ouvriers iraniens, caucasiens, russes, en Turkestan, en Mongolie, etc. Le bonhomme Rubrukis, nous donne le type exact de la condition de ces ouvriers transportés quand il nous montre le maître orfèvre de Mungekon, maître Guillaume de Paris, chez lequel il dîna un jour des rameaux, à Karakorum. Il lui avait été recommandé par une dame Paquette de Metz, mariée à un jeune architecte russe qui faisait bon métier parmi les Mongols. Au dîner, assistait un employé mongol né en Hongrie, anglais d'origine. Maître Guillaume paraît être fort à l'aise. Il vient de fabriquer pour le Khan une pièce d'orfèvrerie superbe. Un grand arbre d'argent, au pied duquel sont 4 lions d'argent. Son fils, qui poursuit son métier, montre à Rubruquis un beau crucifix à la française, fabriqué pour son patron, évidemment un turc kéraïte ou oïghour nestorien. Maître Guillaume à Autel. Il voisine avec le neveu d'un évêque qui a été pris avec lui à Belgrade. Il n'a pas à se plaindre du Khan, son maître, qui paye largement. On voit que l'esclavage des ouvriers d'art enlevés par les Mongols n'était pas bien terrible. Il ressemble même, dans beaucoup de cas, à une émigration volontaire d'aventuriers allant chercher fortune dans l'Extrême-Orient. La souveraineté de Godaï, avril 1229, 11 décembre 1241, est un gouvernement de compromis entre le parti chinois, qui ne veut pas que l'Empire soit gouverné à cheval, qui rêve de l'ancienne gloire des Han et des Tang sous une dynastie mongole suffisamment chinoisée, et le parti turc, celui qui ne voit que l'Empire à cheval, la conquête à outrance jusqu'à l'extrême limite où ces enragés patriotes affolés d'unité, ces furieux traîneurs de sabre, fanatiques de chauvinisme, s'imaginent qu'ils trouveront des Turcs. Les 3 cultes, bouddhisme, christianisme, islamisme. Quand il n'y aurait plus de Turcs, on se chargerait d'en inventer. Des Turcs, il y en a partout. C'est maintenant toute la face de la terre qu'il faut conquérir. Tariq i Jihan Kushai. La chronique de la conquête du monde. C'est ainsi que Djouvaini nomme ses annales. On suppose un testament imaginaire de l'empereur inflexible. La conquête du monde est article de foi, si bien que Plancarpin croit à l'existence du testament. Au parti de gouvernement chinois se rallient dès cette époque les bouddhistes. Au parti à cheval, de guerre à outrance et de conquête, les musulmans et les chrétiens. Le bouddhisme passait par une crise, il sortait de la très longue période évangélique, purement doctrinaire, et prenait corps, fondait une église. La réforme lamaïque, l'organisation d'une hiérarchie, s'est faite en même temps que la grande centralisation mongole. Le Khan et le Dalai Lama, l'empereur et le pape, sont jumeaux. Il était inévitable que l'empereur adoptât la religion du pape. Cette papauté bouddhique a ceci de particulier qu'elle a vraiment été fondée par les anachorètes du pays d'en haut, sur les affreux plateaux du Tibet. Au désert, au milieu de francs brigands et de sauvages sanguinaires, les bandouliers de Ya. Du temps de Marco Polo, on disait encore que les Tibétains étaient anthropophages. Entre les glaciers et les précipices, les anachorètes bouddhistes établirent leur énorme moinerie, guettèrent le catéchumène mongol, conquérant du monde, firent de lui leur chevalier armé en Chine, contre le taoïste, contre le dualiste manichéen, contre le philosophe de l'école de Confucius. Les chrétiens nestoriens n'avaient point d'église à proprement parler, leur liturgie était syriaque, c'est-à-dire presque arabe. Leur évêché était Amalik, pays mongol, Merv, pays conquis par les Mongols. Leur langue, leur parenté, tout turc et mongol. À une croisade contre des adorateurs de l'imposteur Mohammed, à la guerre mongole contre les Seldjoukides de Roum, contre les Tadjiks, contre les Iraniens, contre le calife, contre tous les ennemis de la nation mongole, ils coururent comme à une fête. Les musulmans turcs rêvaient la conversion du Khan, l'empire à Bokhara, un pape turc orthodoxe en Transoxiane, l'extermination des hérétiques iraniens. Comme leurs compatriotes chrétiens, ils ne demandaient qu'à courir sus, à sabrer l'Ouest. Essai de réaction charesmienne, Jelai ed-Din. On vit cette chose singulière, la défense du califat, soutenue contre le musulman orthodoxe Jelal ed-Din par les païens, les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans mongols, qui devaient supprimer le califat dès que son ennemi orthodoxe aurait disparu. Et cette extravagance est parfaitement logique. Quand Jelal ed-Din, affamé de revanche, revint brusquement de l'Inde, après la mort de l'empereur inflexible, et souleva l'Iran contre les Mongols, sa première pensée de vengeance fut contre le calife. Ce fut une marche triomphale, 1225-1226. En plein pays iranien, à Ispahan, ce Turc fut accueilli et tenta de ressusciter l'ancien Iran du Shah Namer, de l'opposer au Touran mongol. Quand les Persans virent arriver Jelal ed-Din, avec 4000 reîtres fidèles ramenés du fond de l'Inde, avec sa femme, fille du sultan de Delhi, avec son train exotique de chevalier errant, leurs imaginations méridionales s'échauffèrent. C'était Rustem en personne qui revenait du pays des éléphants. Et avec lui, Timur Melek, le paladin, le héros de Khojen. On s'apitoyait sur leur malheur, on s'enflammait pour leur noble cause. On palpitait au récit de leurs aventures romanesques. Ce fut une explosion d'enthousiasme, chevaleresque et littéraire. En Kerman, Jelal épouse la fille du sultan Borak. En Fars, celle de l'Atabek Saad. Jamais on ne vit épouseur pareil. En quelques semaines, les mariages féodaux, l'énivrement populaire, lui font un empire et lui donnent une armée. Il tient toute la Perse et le Khorasan. Les princes et les sultans chevauchent au milieu de ses compagnons d'aventure, et c'est un grand seigneur, le châtelien de Nessa, qui lui sert de secrétaire. On était en 1227. L'empereur inflexible était mort. Son successeur n'était pas élu. Les meilleures troupes et les meilleurs généraux de l'empire étaient engagés, en Chine, dans une guerre à outrance. Le peuple iranien acclamait un prince turc. Les chiites s'enflammaient pour sa cause, le voyant ennemi du calife orthodoxe. La noblesse militaire turque du sud et de l'ouest, pourvue depuis le temps des Seldjoukides, furieuse contre les parvenus du nord et de l'est, accourait sous ses drapeaux. La preuve que l'invasion mongole, entre 1220 et 1225, n'a pas été une irruption, mais une conquête organisée, c'est que dans le Khorasan, proprement dit, dans la Transoxiane, dans le Kharezme, où avait régné, non sans gloire, le père de Jelal ed-Din et ses ancêtres, en une telle crise, personne ne bougea. Dans les villes comme Bokhara, où l'affluence des étudiants, élément toujours turbulent dans la société musulmane, était si considérable dès 1230 que la bonne impératrice douairière, veuve de Toulouille, la chrétienne Serkouteni, faisait bâtir pour eux un collège. Il n'y eut pas une tentative de mouvement. Les Mongols avaient su s'imposer, par le nationalisme turc, par l'habileté d'administrateurs tels qu'un Mahmoud Yelvaj, un Massoud, par la forte discipline d'un roi comme Jagatai, et par la prudente bonté de leurs impératrices et reines, de cette excellente femme qui menait l'insignifiant Ogedai, la ferme et adroite Tourakina l'aide à plaisir. Tourakina n'avait rien de beau, mais pour Ogedai Khan, elle était belle. Aboul Ghazi. Que l'intrépide et aventureux Jelal ed-Din ait songé à recommencer le roman Seldjoukide, c'est possible. Mais qu'il ait vu, dès le commencement, pourquoi il était trop tard, c'est probable. La matière à roman, le reître turc, lui manquait. Ses atabeks, qui l'acclamaient, c'étaient des iranisés, des chevaliers du Shah Namer. Le vrai turc, le soudard, était rallié à la grande famille. Corps et âme, il s'était donné au Khan. avec une remarquable sûreté de coup d'œil, les conseillers de Jagatai virent de suite que la chevalerie de Jelal el-Din ne pouvait rien contre le caporalisme mongol et le chauvinisme turc. Ils laissèrent le héros de roman s'agiter dans le vide. Il s'y débattit en désespéré, tant au roi, tant au capitaine de Chouan, prolongeant l'aventure pendant 6 héroïques années, 1226-1231, sans pouvoir une seule fois entamer le territoire mongol. À la fin, ce fils d'empereur périt dans la misérable embuscade d'un obereau kurde en Asie mineure. Les Kharizmiens en Palestine. Ces routiers prirent parti en Roum, continuèrent la vie d'aventure. On les rencontre partout où l'on se bat. Les plus nombreux se jetèrent en Syrie, bravant musulmans et chrétiens ensemble, se battant à tort et à travers contre tout ce qu'ils rencontraient. Quand on les vit arriver de si loin, s'installer, comme en pays conquis, ouvrir leur marché d'hommes d'armes à qui paieraient, tout le monde prit peur, et, surtout, les Turcs qui savaient à quoi s'en tenir et reconnaissaient des concurrents. Le Soudan Lachanel est Gautier de Brienne, et le maître du temple, et l'évêque de Ram s'assemblèrent tumultueusement. Alors, ces Khorasmiens errants, chassés de partout, fuyant devant l'étendard invincible du Khan, souverain de la Chine, donnèrent leur dernier coup de boutoir et montrèrent à ces gens-là ce qu'ils avaient appris aux guerres mongoles. C'étaient des revenants, des fantômes, il y avait là des vieux qui avaient vu Güçlüğ et regardé en face Djébé, le sabre à la main. Le succès de l'affaire n'était pas douteux. Soudards musulmans au service des croisés et chevaliers francs y mirent pourtant de l'amour-propre. Les musulmans surtout, qui ne voulaient pas reculer. Les chrétiens lâchèrent pied les premiers. Bataille de Gaza, 1244. Autre essai de réaction kharizmienne, Tarabi. Peu de temps après, un vilain de Tarab, bourgeoisien de Bokhara, se donnait pour Péridar, spirit comme nous dirions. Il avait des visions, il entendait des voix. En Transoxiane et en Turkestan, dit Jouvaïni, beaucoup de gens, surtout des femmes, ont cette prétention. Ce vilain fabricant de cribles, disent les uns, tisserand, disent les autres, s'était affilié à l'ordre religieux des soufis, déshabillé de laine, et portait le froc. Son nom était Mahmoud, mais on l'appelait du nom de son village, Tarabi. On racontait ses miracles. Il montrait aux pieuses gens les milices célestes qui allaient venir les délivrer du Yassak, fonder le règne de Dieu. Et ses enthousiasmes les voyaient voler en habits verts et en habits blancs. Si quelqu'un s'avisait de dire « je ne les vois pas », on les lui faisait voir à coups de bâton. Le populaire s'assemblait et les gens de religion. Il y avait à Bokhara un savant, connu par son mérite et sa noblesse, Shems ed-Din Mahoubi. Il embrassa la cause de ce fou. Le daroga, pris de court, essaya de faire enlever Tarabi. Son coup policier manqua. Le peuple cria au miracle. Pendant quelques jours, les piétistes et le populaire furent maîtres de la ville. Les scènes de leur courte domination sont caractéristiques. On les retrouve partout dans les mêmes circonstances, à Florence avec Savonarole, à Naples avec Masaniello. Un détachement mongol accourut. Les révoltés l'assaillirent. À la première affaire, Tarabi et Mabboui furent tués. La clémence de Godaï acheva de rallier les populations que la première furie mongole avait terrorisées et que la ferme administration de Jagatai avait soumise. À partir de 1232, la lutte du chériat contre le Yassak est souterraine, sournoise, d'autant plus dangereuse qu'elle prend des formes plus légales. Ce que doit devenir l'Empire, les divers partis. Jelal el-Din mort, le pouvoir mongol assis en Transoxiane, la Chine du Nord conquise, qu'allait-on faire des vieilles bandes qui n'avaient plus d'autre métier que la guerre? Comment allait-on pourvoir les princes du sang après le compromis qui avait donné l'Empire à Ogodaï? D'autre part, le domaine héréditaire, Où donc était-il maintenant? Pour les Mongols, il était entre Onon et Kerulen, à Deligun Buldak, où les vieux compagnons de Tchingis Khan, les Mongols de la veille, les purs, les vrais, avaient obtenu de faire transporter le corps du grand Borjigen. Pour les Turcs, ouvriers de la deuxième heure, pour les Naïmans, pour les Keraïtes, pour les Oïghours, il était à la respectable enceinte au Karakorum. Le clergé chrétien était avec eux, d'abord parce qu'il était de leur clan et de leur sang, ensuite à cause de l'évêché d'Al-Malik. Quel triomphe pour ces Nestoriens s'ils avaient pu installer un pape de leur secte en Pélou, à côté du Khan de Karakorum. L'impératrice régnante, Turakina, tenait pour le pays turc. C'est elle, sans doute, qui fit bâtir le nouveau Karakorum, celui qu'ont vu Rubrikis et Plancarpin, par son bonhomme de mari, qui faisait toutes ses volontés. Elle tint la balance égale entre les nationalistes à outrance, Turcs et Mongols, et le parti chinois et Karakitaen. Celui des légistes, du premier ministre Yelou Tchoussaï, qui préparait sous main l'établissement de l'Empire en Chine, l'avènement et la suzeraineté du petit Kubilaï. La vaillante Turakina ne vit qu'un moyen de défendre les droits qu'elle supposait à s'aligner. C'était de créer à son fils, Guyuk, des titres militaires, d'en faire un héros national. Nous voyons distinctement trois parties, dont les deux premiers sont conduits par des femmes. L'impératrice Turakina lutte pour l'avènement de son fils Guyuk. L'impératrice chrétienne Serkuteni prépare la succession de Meng Kmangku et de Kubilai. D'accord avec les musulmans qu'elle ménage et qu'elle caresse, le parti purement kitaïen et chinois a jeté son dévolu sur le petit Kulubilai. Ainsi, trois programmes. L'empire à Karakorum ou à Al-Malik, dans la maison d'Ogodaï, avec un général pour ministre. L'empire à Bokhara, ou en Turkestan, ou à Amalik, confondu avec l'apanage de Jagatai, avec un Yelvaj pour ministre, un grand pontife musulman à Bokhara, et un patriarche nestorien à Al-Malik pour assesseur. L'empire en Chine, tenant les autres pour vassaux, avec le pape bouddhiste à Lhasa. Sur un point, les trois parties sont d'accord, c'est que le souverain de la branche aînée, le Khan du Kipchak, ne compte pas, et que le meilleur moyen de s'en défaire est de l'occuper au loin. Sur un autre point, Yelou Tchoutsaï et Mahmoud Yelvaj s'entendent. C'est qu'il faut donner de l'emploi au prince de la maison de Jagatai. Le parti purement militaire ne demande pas mieux. On lance le débonnaire Batou sur la Russie, avec consigne de tout conquérir jusqu'à la Touna, au Danube. On lance les princes de Jagatai sur la Perse, sur le califat, avec ordre de tout enlever jusqu'à l'Euphrate, jusqu'à Rome. Les prudents chinois réservent leurs hommes, acheminent tout doucement, à petit bruit, leur Kubilai vers la conquête de l'Empire des Song. Ils en font un gardien du foyer. Mais le foyer national, ils l'ont transporté en Chine. De la maison de Juji, du débonnaire, tous se moquaient. C'était une espèce d'empire colonial, au loin, dans l'ouest, de l'autre côté du grand vide. Le danger, c'était les princes de la lignée d'Ogodaï, à Karakorum, armés du pseudo-testament du Tchingis Khan. Eux retenus dans l'ouest, Kubilai avait le temps d'asseoir son autorité en Chine. Quand il reviendrait, il serait peut-être empereur à Karakorum, mais à Pékin, non. Et l'empereur de Pékin, en attendant leur retour, aurait le temps d'entamer, sinon de conquérir, la Chine des Song, la Chine du Sud, toute la Chine. Quand il la tiendrait, que seraient donc ces empereurs de Karakorum, de Sogdian, de Kipchak et autres pays barbares? Rien de plus que des vassaux, des tributaires du Bogdo Khan, du Saint Empereur, fils du ciel. Fin de la section 87.